Bonjour madame, j'ai réservé une chambre au nom de Drevet. Oui, voilà votre clé madame. Vous prenez le petit déjeuner ? Oui, merci. Bonjour, je voudrais une chambre pour ce soir, s'il vous plaît. Vous avez réservé ? Non. Désolé, monsieur, c'est complet.